Je veux commencer, avant même de commencer mon message, avant même de prêcher, je veux dire merci à Dieu. Mon thème ce matin, c'est les dons spirituels. Le titre de mon message ce matin, vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, les dons spirituels. Et quand on reçoit un don, quand on reçoit un cadeau, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Nous, on apprend ça, on a des tout-petits, là. Qu'est-ce qu'on dit? Merci. Je veux dire merci à Dieu ce matin pour ce qu'il va faire au milieu de nous. Merci pour ses dons spirituels. Merci qu'il n'a pas abandonné son Église. En fait, il n'a pas voulu que son Église commence avant que le Saint-Esprit vienne nous donner, nous rendre capables. Il n'a pas voulu qu'on le soit par nous-mêmes. Et il nous a fait ces dons-là, et il le fait encore. Et je veux me remercier Dieu pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait présentement, et ce qu'il va faire dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent. Alors qu'on s'attache à lui, il déverse son esprit dans nos vies. Est-ce que vous permettez que je remercie Dieu pour vous ce matin? Seigneur Jésus, merci. Merci Seigneur Dieu, parce que tu l'as dit, je ne vous délaisserai point, je ne vous abandonnerai point. Seigneur Dieu, nous sommes encore plus chanceux que les disciples qui ont marché à tes côtés. Parce que ce que nous avons, c'est ton esprit en nous. Tu n'es pas à nos côtés, tu es dans nos vies, tu es dans nos cœurs. Tu parles à notre esprit, tu nous édifies, tu nous transformes, tu nous changes encore. Et tu déposes en nous des capacités qui nous dépassent, qui sont infiniment plus grandes que nous. Merci Seigneur Dieu pour ce que tu as fait dans la vie, dans ma vie, dans la vie de mes frères et de mes sœurs ce matin. Merci pour ce que tu fais présentement, ce que tu t'apprêtes à faire dans ce temps où nous nous assemblons et nous voulons entendre et recevoir de toi. Et merci Seigneur Dieu pour les grandes choses que nous allons voir, que nous allons célébrer, les dons, la puissance, la grâce à l'œuvre au milieu de nous. Merci pour toutes ces choses. Et que toute gloire te revienne à toi et à toi seul. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, je vais combattre mes bactéries avec de l'eau ce matin. Alors, si je fais des petites pauses, ne vous inquiétez pas. J'en ai besoin, sinon ça va être difficile. Qui m'ont vu faire du lip-sync ce matin? Je louais Dieu de tout mon cœur, mais j'ai reposé mes cordes vocales. Je savais que si je chantais avec toute l'intensité, la prédication serait très courte ce matin. Quand on parle des dons, quand on parle des choses spirituelles, il y aurait de quoi faire un mois, on pourrait en parler pendant un an. Quand nous étions au collège biblique, moi et mon épouse, quand moi j'étais, parce que j'ai fait ce cours-là avant que mon épouse le fasse, c'est un cours en entier, un cours de trois crédits. On appelle ça la pneumatologie, tout ce qui est en lien avec le Saint-Esprit. Et il y a énormément de choses. Ce matin, je ne veux pas aller dans tous les détails. Je ne veux pas tout vous décrire. Et je ne veux pas tout vous décrire ce matin. Il y a tellement de façons que Dieu envoie ce don de l'Esprit dans son assemblée. Parfois, on le restreint à seulement quelques petites choses. Et je vais vous en donner, je vais vous donner un aperçu. Et je prie ce matin que ce même Saint-Esprit qui vous donne ces dons-là, parle à vos cœurs, ouvre votre esprit, ouvre votre compréhension, pour que vous puissiez comprendre peut-être les dons qui sont déjà présents en vous, les choses qu'il a déjà déposées en vous, et aussi par la foi que vous puissiez recevoir les choses qu'il veut faire à travers vous, les dons qu'il veut déposer à travers vous. Et si vous entendez une voix ce matin, une douce voix qui parle à votre esprit, parle à votre cœur, ce n'est pas que vous souffrez de schizophrénie, ou qu'il y a un effet, un reverb dans le système de son ce matin, mais c'est le Saint-Esprit qui vous parle et qui vient affirmer simplement les choses que je déclare ce matin. Il vient vous dire, ça, c'est pour toi. Ça, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas faire. C'est quelque chose de merveilleux qui va se faire ce matin. C'est des vies qui vont être changées. Moi, je ne suis simplement qu'un instrument pour communiquer la parole, mais c'est l'Esprit de Dieu qui fait une œuvre en vous. C'est l'Esprit de Dieu qui dépose des dons. C'est l'Esprit de Dieu même qui travaille des choses en vous au point de changer votre caractère. Et ça, ça sera un autre message, au point que la parole en parle comme étant le fruit de l'Esprit. Ou votre personnalité, votre amour, parce qu'on peut le résumer en amour, votre sensibilité aux autres, votre ouverture aux autres, votre caractère est changé et vous ressemblez au caractère de Christ. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, ce que j'ai remarqué très, très souvent quand on parle des choses spirituelles, quand on parle des dons, c'est le « qui que quoi donc ou comment ». On parle des choses, qui que quoi donc, ou comment aller chercher ces dons-là, comment aller, c'est quoi ces dons-là, dans quelles circonstances, comment, et tout ça. Et on parle de méthode où on se met en position pour recevoir des dons de Dieu et exercer ces dons-là. Je vous parlerai pas de méthode ce matin. On parle beaucoup du quoi. Notre problème, souvent, des gens recherchent à avoir une expérience, recherchent à goûter quelque chose de la part de Dieu, expérimenter le surnaturel, parce qu'on peut expérimenter le surnaturel. Encore aujourd'hui, Dieu fait des choses surnaturelles par la puissance de son Saint-Esprit au milieu de nous. Quand on exerce notre foi, Dieu a dit, j'agis encore. Jésus a même dit que les choses que j'ai faites, vous en ferez des plus grandes encore. Il n'y a pas de date d'expiration sur la spiritualité de Dieu. C'est pas parce que ça fait 2000 ans, il n'y a pas un épuisement. Il n'y a pas un réservoir fini. Il y a un réservoir infini de la puissance de Dieu, de la grâce de Dieu. Ce qui limite la grâce de Dieu, c'est notre foi. Ce qui limite même la grâce de Dieu, c'est notre disponibilité. La foi en quelque chose, c'est une disponibilité, une ouverture à ce que Dieu fasse quelque chose à travers nous. Je veux le déclarer présentement. Je ne connais pas votre expérience. Je ne connais pas votre réalité. Je ne connais pas votre attente. On a chacun d'entre nous un niveau d'incrédulité. Tous sont pécheurs. Tous sont éloignés de Dieu. Tous en sont quelque part incrédules. Nous sommes des descendants d'hommes qui n'ont pas cru Dieu. Nous avons hérité de l'incrédulité. Mais par notre foi en Jésus, nous pouvons marcher, vivre, goûter des choses surnaturelles. Je veux vraiment souligner ces choses. Je veux vraiment vous le dire, que vous puissiez le recevoir, que vous puissiez vous attendre aux choses surnaturelles. Et Dieu, non seulement il n'y a pas de date d'expiration, mais il n'y a pas de club privé. Il n'y a pas de liste noire ou de liste blanche ou de liste AA ou de liste B ou de liste C. Dieu déverse son esprit sur quiconque veut le recevoir. Dieu donne sa grâce sur quiconque veut être réconcilié avec lui. Il le fait encore. Il le fait de façon différente parce que nous sommes différents. Nous sommes tous différents. Alors, il y a toutes ces choses-là que Dieu peut faire, mais si je me limite, je commence à faire une liste de toutes ces choses, je vais vous les lancer. Je vais les lancer sur vous. Mais si mon message, c'est simplement comment Dieu peut manifester ses dons de façon spécifique, j'ai peur de manquer la cible. Je ne peux pas faire tout cela dans le cadre d'un dimanche matin. Je ne peux pas aborder toutes ces choses-là dans le cadre d'un dimanche matin, dans un cadre de temps restreint que j'ai. Mais ce que je peux vous parler, outre la méthode, ce que je peux vous dire, c'est la raison. La raison est unique. En fait, la raison est, il y en a deux raisons, puis en réalité, ces deux raisons, c'est une raison. Il y a deux raisons. Mais en fait, en réalité, il y a une raison pourquoi Dieu répand ses dons dans son Église. Pourquoi Dieu fait ces dons-là du Saint-Esprit. Il y a vraiment une raison. Alors, comment ça se manifeste dans ta vie? Ça va se manifester d'une façon vraiment personnelle. C'était pas dans mes notes ce matin. J'ai eu tellement de misère avec mon PowerPoint. Je voulais le modifier. J'ai même pas été capable de le faire ouvrir dans sa version pas modifiée. Mais je vais vous le dire. C'est venu ce matin alors que j'allais reconduire mon fils au soccer, alors que je cours. Là, moi, j'ai une grâce. Je pense que j'ai une ligne spirituelle à très haute vitesse avec le ciel. Parce que des fois, hier soir, je priais, je dis, Seigneur, il y a des choses qu'il faut que tu me donnes. Il me semble qu'il me manque quelque chose. Puis on dirait que j'avais pas ouvert le Wi-Fi, je sais pas trop, le Wi-Fi entre le ciel était pas ouvert, la connexion était pas bonne, il y avait une coupure. Et là, en chemin, pour aller reconduire mon fils, je cours tout le temps. Pierre dit, je sais pas comment tu fais, mais c'est ça, on est un père avec des enfants, tu les aimes, tu cours. Je suis en chemin, puis là, boum, la connexion haute vitesse est embarquée. Puis j'aurais voulu l'ajouter. Il faut que vous compreniez quelque chose. Le don n'est pas, le don n'est pas normatif. Les dons spirituels que Dieu donne ne sont pas normatifs. Il n'y a pas des normes. Il n'y a pas des normes. Vous savez, on a un grand danger, une grande déformation dans notre monde chrétien évangélique où des gens expérimentent des choses avec Dieu. Des fois, des gens expérimentent des grandes choses avec Dieu. Puis, ils écrivent un livre sur les grandes choses. Puis, c'est des vraies choses. Puis, c'est des grandes choses que Dieu a fait dans leur vie. Puis, ils expliquent tous les grands principes que Dieu a fait dans leur vie. Puis, tu pourrais croire que c'est une norme, c'est des règles, c'est des choses à suivre, c'est des grands principes de Dieu. Or, les dons de Dieu ne sont pas normatifs parce qu'on n'est pas tous pareils. On n'est pas tous des photocopies. Dieu nous connaissait avant la fondation du monde, quand nous étions cachés dans le ventre de notre mère. Avant les échographies, 3D, il connaissait même tous nos grains de beauté. Il connaissait chaque chose de nos vies. Nous n'étions pas cachés devant lui. Et même déjà dès le ventre de notre mère, il avait déjà façonné notre personnalité. Voyez-vous que moi, on avait déjà un joueur de soccer dans le ventre. Nathanaël kickait beaucoup, bougeait beaucoup, il a quasiment cassé les côtes de sa mère. Sa personnalité était déjà là. Son frère, boqué. Boqué, c'est dans le sens négatif. Déterminé quand c'est positif. Déterminé à rester sur le côté gauche, non, droite de maman, votre gauche, ma droite, côté droite de maman. Maman poussait Zacharie, Zacharie revenait du côté droit. Maman poussait Zacharie, Zacharie revenait du côté droit. Tellement que quand elle a accouché, il y avait un creux dans son ventre. Tellement il était juste d'un côté. Quand elle a accouché de Nathanaël, on mettait les sondes sur le ventre. Il kickait la sonde. T'es obligé de visser une sonde sur sa tête. Une personnalité. Unique. Ils l'ont fait, ils ont cassé le moule. Même les jumeaux identiques sont pas pareils. Ils ont chacun leur personnalité. J'ai un ami au travail, il y a des jumeaux identiques, mais là, ils commencent à être plus bien identiques. Parce qu'il y en a un qui mange la viande, puis l'autre ne mange pas de viande. Fait qu'il y en a un qui saute plus grand que l'autre. Ils sont identiques, ils ont le même ADN, mais ils sont pas pareils. Ils n'ont pas les mêmes goûts, ils n'ont pas la même personnalité. Chacun d'entre nous, Dieu nous a façonnés d'une façon unique. Les dons ne sont pas normatifs. Les dons sont personnels. Tu ne peux pas aller au magasin acheter un don de Dieu. Le don est fait, tailor-made, c'est fait sur mesure. Les dons que Dieu dépose dans ta vie sont faits sur mesure. Alors, je t'en prie, ne sois pas un écho des dons de quelqu'un d'autre. Ne cherche pas la norme, ne cours pas un peu partout pour voir quel don Dieu va te donner. Il sait où tu habites. Il connaissait ton numéro de téléphone si tu l'as changé dans le passé. Il connaît ton numéro de téléphone, ton adresse email. Il connaît chaque cheveu sur ta tête. Pour moi, c'est facile. Pour Pierre, c'est plus difficile. Pour moi, c'est facile. Pour Pierre, c'est plus difficile. Il connaît chaque chose de notre vie. Il connaît notre personnalité. Et il veut déverser ces dons-là d'une façon personnelle. Attends-toi à quelque chose de la part de Dieu. Écoute, j'avais des amis, pas des amis, plus connaissances, qui ont étudié avec moi. Le monsieur, le jeune homme, est fan de Jimmy Swaggart. Il était même allé, quand il était jeune, à son église. Il prêche comme Jimmy Swaggart. Il parle comme Jimmy Swaggart. Ça fait comme un épisode de Twilight Zone. Tu retournes dans le temps, Jimmy Swaggart, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un prédicateur qui était très connu à une certaine époque, qui a amené aussi, à cause d'une chute morale, un certain... Mais à un moment donné, tout le monde prêchait comme Jimmy Swaggart. Pierre, t'as dû connaître ça, l'époque où tout le monde prêchait comme Jimmy Swaggart. Mais il y en a encore qui prêchent encore. T'as Kenny Jimmy Swaggart. Et il y en a qui prêchent encore comme Jimmy Swaggart. Il y a un jeune homme là, qui prêche encore comme Jimmy Swaggart. Je ne me fais pas un jugement sur sa vie. Mais qu'on ne puisse pas être un écho. Aussi grands les hommes de Dieu sont, je vous en prie, soyez pas un écho de moi. Que je puisse avoir une influence sur votre vie parce que Dieu m'a appelé à vous édifier. Que je puisse vous toucher. Prenez ce qui est bon. Mais il y a un don de Dieu particulier pour toi. Il y a une voix que Dieu veut que tu aies. J'ai tellement aimé ce que Marie a partagé. Elle ne sait pas mes notes. Elle ne sait jamais mes notes. Je ne donne jamais mes notes à Marie. Je ne donne jamais mes notes. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. J'ai fini des choses un petit peu tard. Puis là, elle dormait. Je n'ai pas voulu qu'elle se réveille. Je me suis couché sur le divan. Elle ne les a pas vues. Elle a parlé spécifiquement d'un point que je vais parler tantôt. Une voix, des paroles. Dieu appelle, il veut déverser des dons de paroles dans votre vie. Mais recherchez ça de façon personnelle. Personnelle. Vous allez être bien. Vous n'aurez pas besoin de vous pratiquer comme des imitateurs d'Elvis. Teddy Bear. Jésus, gloire à Dieu. Non, soyez vous-même. Parlez, soyez vous-même. Dieu veut se refléter à travers la merveilleuse créature que vous êtes. La Bible dit dans l'Ancien Testament, « Je te bénis que je suis une créature si merveilleuse » dans les psaumes. Vous êtes une créature merveilleuse. Et Dieu veut déverser son esprit dans votre vie et vous bénir, faire de vous une bénédiction. Alors pourquoi? Pourquoi? Ce n'est pas tant une question de connaissance, mais d'appartenance. C'est pas les dons spirituels, c'est pas, tu peux exercer des dons spirituels, puis tu sais même pas que tu exerces des dons spirituels. Souvent ça arrive plus souvent qu'on pense. Combien d'entre vous connaissent Normand Charlebois? Normand Charlebois, il a fait une implantation d'église, c'était dans l'est de Montréal. Là, maintenant, ils sont revenus au centre-ville. Ils sont avec Evangel. Alors, c'est la partie francophone d'Evangel. Normand a été longtemps leader de jeunesse. Et Normand est venu une fois vers moi, puis il était tout excité. Et puis, il me dit, « Wow! Hey, tu sais, l'autre fois, quand tu avais prié pour moi, puis là, tu avais parlé de l'onction, tout ça sur mes mains, j'allais prier pour une jeune fille. Elle avait un problème d'audition. Maintenant, elle entend! » Moi, je le regardais avec un beau sourire poli. J'avais aucune idée de quoi il parlait. Au départ, ah oui, là je dis, je veux pas l'offusquer. Peut-être qu'il pense, peut-être qu'il me mélange avec quelqu'un d'autre. J'ai pas fait ça. Puis plus il me donnait de détails, plus il me parlait. Là, j'ai commencé à me souvenir, lointain. J'avais complètement oublié. Je savais même pas ce que je faisais quand je l'ai fait avec lui. J'ai juste partagé des choses que Dieu me montrait, puis j'avais oublié que je les avais dit, puis je pensais même plus. Lui, Dieu lui avait parlé à travers ce que j'ai dit. Lui, il l'avait reçu, il l'avait fait sien, et il l'avait pris, il l'avait reçu comme ça, et il l'a exercé, et voir. Moi, j'ai exercé un don spirituel envers lui. J'ai déversé des choses envers lui. Il y a eu des résultats. Il y a une jeune fille qui n'entendait pas, qui entendait. Il me dit que j'avais de l'huile sur les mains, que j'avais une onction, que j'avais une grâce ici. Je vais prier sur cette personne-là. Elle va entendre. Elle entend. Qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? J'étais un cadeau pour lui, puis je ne le savais même pas. On entre dans ces choses-là. Ce n'est pas tant une question de révélation que d'adoption. Les dons de Dieu ne sont pas tant une question de révélation. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Mais c'est une question d'adoption. Dans l'Évangile de Jean, 1er chapitre, verset 12, il est dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle, c'est la parole, ça parle de Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » par la puissance du Saint-Esprit, on peut comprendre qu'il a donné le pouvoir. Tous ceux qui reçoivent Jésus, qui reçoivent cette personne-là de Jésus, la parole qui, dans ce passage-là, qui représente Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il n'a pas donné la révélation de ce que c'est être un enfant de Dieu. Il n'a pas écrit une liste d'étapes dans tout ce qu'il faut être pour être enfant de Dieu. Mais ça nous parle d'adoption. Ça nous parle de devenir. Ça nous parle d'être. Ça nous parle d'appartenance. Ça nous parle des choses que Dieu dépose dans notre vie. Les dons spirituels, plus que toutes les choses qu'on peut comprendre, on peut exercer des dons spirituels sans vraiment les comprendre, mais en simplement en étant, en acceptant d'être ce à quoi Dieu nous appelle, en acceptant, en recevant ce qu'il dépose, comme un enfant dit à papa, papa. Oh, ce matin, j'étais tellement béni avec Camille. Hey, j'aurais pu être son grand-père ce matin. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a. Moi et Camille, on a un petit quelque chose, cette petite fille-là. Elle reconnaît la fibre du papa. J'arrive, je dis « Bonjour Camille, comment ça va? T'as passé une belle semaine, ça va bien? » Tu sais, puis j'ai dit toujours, tu sais, tu es la plus belle petite fille de toute la vallée du Richelieu. Puis juste, puis elle est à côté, elle a regardé sa mère, elle m'a regardé, elle s'est en allée vers moi, et m'a pris dans ses bras. Là, elle a collé sa petite tête comme ça. Puis c'était tout chaud. Je pense que je l'ai gardé pendant 10-15 minutes, comme ça, dans mes bras. Adopté, enfant de Dieu. Dieu veut nous bénir comme un papa bénit ses enfants. Il veut nous prendre comme j'ai pris la petite Camille dans mes bras. Il veut nous soulever au-dessus de nos limites humaines. Il veut nous faire un baume sur nos cœurs et de toutes ces choses-là qu'il déverse dans nos vies, il veut que nous les déversions dans le monde qui nous entoure. C'est une grâce. C'est une grâce. Ce qui est spirituel, les dons spirituels, s'ils sont réellement spirituels, doivent refléter la nature et les objectifs de Dieu. Si ça vient vraiment de Dieu, si ça vient vraiment de son Saint-Esprit, alors que c'est à l'œuvre en toi, ça reflète la nature, le caractère et les objectifs, les visées de Dieu, ce que Dieu veut faire. Tu veux savoir, hein, ce qui se passe ici, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça reflète la nature de Jésus? Est-ce que c'est fait avec service, avec amour, avec patience, avec ouverture? Jésus mangeait avec les pécheurs. Sur sa carte d'affaires de Jésus, il dit, celui qui mange avec les péagers et les pécheurs, on peut me rejoindre en tout temps. Suivez la foule. C'est ça sur sa carte d'affaires. C'est ce qu'il est. Est-ce que quand il y a quelque chose qui se passe au milieu de nous, quand quelqu'un parle, quand quelqu'un exerce quelque chose, déclare quelque chose, est-ce que ça reflète la nature et les objectifs de Dieu? Est-ce que ça nous pointe sur ce que Dieu veut faire? Vous voulez savoir ce qui se passe autour de moi, ce que je vis à l'intérieur de moi ou ce que je vois prendre place? Est-ce que ça reflète ces choses-là? Et je vous dis, moi, comme autorité, et nous comme autorité, si ça reflète pas ces choses-là, si ça reflète pas la nature de Jésus, si ça nous amène pas dans une direction où Jésus nous pointe déjà, si ce n'est pas dans des choses claires, on n'est pas là pour dire comment exactement ça va se passer, parce que j'en ai aucune idée comment ça va se passer. Ici, il y a un paquet de gants. Puis ça sera pas comme dans le procès de Simpson, les gants spirituels font. Le procès de Jay Simpson, les gants faisaient pas. Mais dans la réalité, c'est fait pour toi. C'est fait sur mesure pour toi. Le don, l'exercice, la révélation de Dieu te fait comme un gant de velours, une puissance de fer dans un gant de velours avec douceur, avec la nature de Dieu. Si ça ne reflète pas la nature de Dieu, et si ça n'est pas en direction avec les objectifs de Dieu, c'est qu'il y a un aspect qui est pas spirituel à l'œuvre, qui est charnel. Et avec amour, avec patience, on va rediriger. Parce qu'on a ce mandat-là de vous édifier. Amen. On n'a pas eu à le faire. Hein? Ça va arriver. Ça va arriver. Mais vous voulez savoir, tu veux avoir un test, savoir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que c'est un don de Dieu? Est-ce que c'est un fruit que Dieu fait sortir à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est vraiment spirituel? Alors, est-ce que ça reflète la nature de Dieu? Est-ce que ça te fait penser à Jésus? Est-ce que les gens pensent que tu ressembles à Jésus? Est-ce que les gens disent que tu reflètes Jésus? Est-ce que ça vient avec les objectifs qui sont liés à Jésus? On est jaugé par le fruit de l'Esprit, c'est quand l'Esprit de Dieu agit en nous, il change notre caractère. Et toutes les femmes disent, cet Esprit de Dieu agit dans le cœur de mon mari. Tous les hommes peuvent le dire aussi. On a tout à changer. Hein? On parle des dons, mais des fois on n'est pas tous des cadeaux. C'est là que le fruit doit prendre place. Pour que le don soit accompagné du cadeau de notre caractère, de notre bonne façon d'être, de notre façon. Alors, on est jaugé par le fruit et habilité par le don. Dieu veut, parce qu'on va être jugé par notre fruit. On sera pas jugé par les dons. On juge un arbre par quoi? Par son fruit. Ça, c'est un passage très connu des Écritures dans le Nouveau Testament. C'est Jésus lui-même qui en parle. Il dit, on juge un arbre par son fruit. Alors, dis pas l'arbre, il est feuillu, il est beau, il est gros, il a des dons, il a toutes sortes d'habiletés, il est capable de faire tellement de choses. Les fruits sont secs et séchés. C'est un mauvais arbre. Jésus dit, c'est un mauvais arbre. Un bon arbre, il peut être tout réchiti, les petites feuilles finies, il n'y a pas grand-chose, mais il y a du fruit. Il peut être tout croche, mais il y a du fruit. Voyez comment Dieu, le monde juge à l'apparence, aux habiletés. Oh, quelle bonne qualité orale, quelle prestance, quelle grandeur, quelle abondance de qualité. Dieu juge au caractère, au cœur, à ce qui est invisible. Il y a des gens qui sont, que devant le monde qui nous entoure sont tout petits, mais devant Dieu, c'est des géants, parce qu'ils ont du gros fruit. Petite feuille, gros fruit. Et vous savez quoi? Pour qu'un arbre porte du fruit, faut que les feuilles, on appelle ça l'émondage, et la Bible en parle aussi, il y a des passages qui en parlent, faut que ça soit coupé pour qu'il porte du fruit. Alors, on va être jaugé, on va être jugé par le fruit que nous allons porter, mais on est habilité par le don. C'est-tu pas une bonne nouvelle, ça, ce matin? Ça dépend pas juste de nous. Dieu nous a appelés, si Dieu nous a appelés, Dieu nous a appelés à ce que son Église, il a dit, les portes de ces jours de mort ne prévaudront point sur mon Église. Je bâtirai mon Église. Comment il va la bâtir, son Église? En envoyant ses dons, en envoyant son Saint-Esprit, en nous rendant capables. L'Église est habilitée par les dons de l'Esprit. Pourquoi? Pour que son Église avance. Je vais vous lire le passage dans Actes. C'est le passage central de ce matin. Acte 1. Je peux vous dire que ce passage-là est très important. Acte 1, verset 4 à 8. Je m'en vais de la maison pour un long voyage. Je dois laisser mes enfants. Mes enfants sont petits, je ne pourrais pas le faire, mais disons qu'ils seraient adolescents ou plus grands. Je dois les laisser à la maison. Quand est-ce que je vais dire les choses les plus importantes? 2-3 jours avant mon départ ou juste avant que je parte? Juste avant. Surtout s'ils sont adolescents parce que... Puis je vais m'assurer qu'ils ne sèchent pas les dents, puis je vais m'assurer qu'ils ferment juste. Vous savez, quand quelqu'un ne ferme pas juste, tu parles à quelqu'un, la personne ne ferme pas juste. Ça te regarde comme ça. Tu sais que tu parles, ça rentre par les orifices ici, et toute l'information sort par les orifices là. Il faut que tu fermes la bouche pour que ça reste à l'intérieur. Non, c'est ma tante qui est enseignante, puis elle a des nombreuses années d'expérience. Puis elle savait que quand ses enfants fermaient pas juste, c'était pas le temps de faire la grosse leçon là. On était le temps de faire des petites activités là, parce qu'elle savait que l'information rentrait, sortait. Il y a rien qui restait. Quand tu as quelque chose à dire d'important, c'est toujours le dernier mot. La dernière chose que tu dis, c'est toujours très important. C'est le plus important. Encore plus si tu t'en vas. Jésus part! Il est ressuscité, il a apparu, il a été avec ses disciples, il a mangé avec eux, il a prié avec eux, il était dans son corps glorifié. Il s'en va! Voici ce qu'il leur dit. Acte 1, verset 4 à 8. Tu sais, il s'en va juste avant d'être amené au ciel. Il revient. La parole de Dieu dit qu'il va revenir. Mais là, il part pour longtemps. Puis pendant qu'il va être parti, c'est son Église qui va le représenter sur terre. Et voici ce qu'il dit à ses disciples. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé d'un baptême de repentance, préparant le chemin à la venue de Jésus. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu? Petite parenthèse. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment cette phrase-là? Et je vais vous la paraphraser actuelle. Et c'est quelque chose, c'est un grand fantasme de chacun de nous quand on expérimente quelque chose avec Dieu. En gros, ce qu'ils disent, quand est-ce que tu vas régler tous les problèmes? Quand est-ce qu'il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de malheur, puis qu'on va être là dans ta présence, dans la félicité, avec les anges, en disant « Alléluia, Alléluia, jusqu'à l'éternité ». Quand est-ce que ça va se régler, là? Parce que nous, on t'a goûté, Jésus, on sait que t'es bon, là. On veut que ça soit réglé tout de suite. Et tous les parents qui ont des jeunes enfants disent « Amen ». Tout de suite, plus tard, c'est difficile. Quand on vient au Seigneur, on est comme un petit enfant. On voudrait que ça soit réglé tout de suite. Jésus revient tout de suite. Règle les choses tout de suite. Guéris-moi tout de suite. Bénis-moi tout de suite. Relève-moi tout de suite. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Et qui est bon, Jésus, hein? Il peut te reprendre de dire quelque chose de très dur avec amour. Il dit, en gros, version québécoise, calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon, mon cher. Ça ne marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça va marcher. C'est pas fini. Ça commence. Ça commence. Parce que la grande œuvre de salut, Jésus a débuté cette œuvre-là. Nous sommes son corps. Nous sommes celui qui le représente ici sur cette terre. Ça commence et ça continue. Moi, je ne veux pas qu'il revienne tout de suite. Mon peuple est loin de Dieu. Ma nation québécoise est loin de Dieu. Je suis une 10e génération Pinard. Il y a un Pinard qui est venu au Québec, Louis Pinard. De ma mère, je suis descendant de la branche des Lausières qui descendent de Louis Pinard. De mon père, je suis descendant de la branche des Pinards qui descendent de Louis Pinard. 10e génération, 11e génération, mes enfants. La terre d'évangélisation, la terre la moins évangélisée de toutes les Amériques. Reviens pas tout de suite! Jésus, tu as un œuvre à faire à travers nous. Nous sommes ton corps, nous te représentons, Seigneur. Je suis content de ne pas savoir le moment. C'est pas de nos affaires. C'est pas de nos affaires. Mais entre-temps, il nous dit, voici. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et voici, et c'est en lien avec le titre de mon message. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Dans la version, je l'ai lu dans la version Louis II, dans la version amplifiée, c'est une version anglaise, alors je l'ai comme traduit, mais vous recevrez une puissance. Et quand eux, ils traduisent tous les sens qu'on peut avoir avec la puissance, une habileté, une efficacité, une force, quand le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevrez une puissance. Toutes c'est une habileté spirituelle, une efficacité spirituelle, une force surnaturelle. Quelque chose à l'œuvre qui passe à travers vous pour influencer le monde. une puissance pour être ses témoins. Pourquoi Dieu envoie les dons de son Saint-Esprit? Raison numéro un, pour être ses témoins. Et j'étais tellement content que Marie amène, il y a quelqu'un, tu penses pas que tu peux être son témoin, tu penses pas que tu peux parler de Jésus. C'est vrai, par toi-même, tu ne peux pas, mais Dieu a envoyé le don de son Saint-Esprit. Et à travers ta bouche, tu peux non seulement bénir quelqu'un, mais te bénir toi-même. Tu dis, mais d'où ça sort, ces choses-là? D'où viennent ces révélations? D'où viennent ces paroles de vie qui sortent de ma bouche? Oh Seigneur, gloire à toi. Merci à toi, Saint-Esprit. Jésus, c'était tellement important que le Saint-Esprit, que ses dons soient à l'œuvre dans l'Église, que Jésus n'a pas voulu. Il a passé 3 ans à former ses disciples. 3 ans à les enseigner. T'es assis à côté du Créateur du monde. T'es assis auprès d'Emmanuel Dieu parmi nous. 3 ans de formation. Une belle formation d'IBQ, 3 ans au collège biblique. Super, il n'y a pas meilleur prof. On avait un bon prof pour le Saint-Esprit, Ron Ross, il est excellent. Tout de suite en dessous de Jésus, c'est Ron Ross, mais c'est quand même Jésus, là, c'est quand même Dieu. T'es là, il connaît les choses. Il parle du Père, il connaît le Père, il était avec le Père. Tu le regardes, il dit, tu vois Dieu. Il est là à côté de toi. Mais malgré ça, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant d'être à côté du Dieu vivant. Dieu veut que tu aies le Dieu vivant en toi. À l'intérieur de toi. Que le Dieu vivant parle à travers ta bouche. Voilà pourquoi il dit que jusqu'à Jean-Baptiste, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Jusqu'à Jean-Baptiste, on se bat, on lutte, on cherche à toucher les choses de Dieu. Mais le plus petit dans le royaume des cieux, là où l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, est plus grand que Jean-Baptiste. La puissance de Dieu à l'œuvre à travers notre bouche. Il n'y a pas de date d'expiration là-dessus, ça. C'est encore vrai aujourd'hui. Et je veux attaquer ton incrédulité ce matin. Peut-être tu ne crois pas que Dieu peut parler à travers ta bouche. C'est pas moi qui le dis. Et c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à ton cœur, à tes pensées, à ce que tu es ce matin. Il peut se servir de toi. Il veut se servir de toi. Jésus a quitté, mais il n'a pas quitté vraiment. Il est encore, il marche encore sur ces terres. Il marche dans tes bottines. Il est encore un cadeau sur cette terre. Tu es ce cadeau-là. Tu es ce don-là spirituel. Alors le don, c'est une puissance pour être les témoins. Et savez-vous quoi? C'est une puissance aussi pour être édifié, pour être ses témoins. S'il y a quelque chose que Dieu agit, si Dieu agit parmi nous, et que ça nous pousse pas à être ses témoins ou ça nous édifie pas pour être ses témoins, je vous dis, on va arrêter ça parce que c'est pas l'Esprit de Dieu, c'est pas l'objectif de Dieu. Dieu a envoyé son Saint-Esprit pour que nous puissions être bâtis en vue qu'on aide ses témoins. Mais le but ultime, c'est d'être ses témoins. Alors que tu sois restauré, bâti, édifié pour être son témoin ou que tu sois déjà en marche, pour ouvrir ta bouche et déclarer les gloires de Dieu, agir, prier, représenter Dieu dans tout ce que tu es, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre. C'est le don de Dieu qui est à l'œuvre. Un don. Les dons sont les cadeaux pour les autres. Si tu penses que le don de l'Esprit est un cadeau pour toi, non. Le don est un cadeau pour les autres. Tiens la personne à côté de toi. Je suis un cadeau de Dieu. Un cadeau de Dieu. Dieu m'emballe, là, mais je suis un cadeau de Dieu. Je suis encore en train d'être emballé. Je suis encore en train d'être façonné. Je suis un cadeau de Dieu. C'est pour ça que c'est fait sur mesure. C'est Jésus à travers toi. À travers ce que tu es. À travers ta personnalité, à travers ton histoire, à travers tes dons, à travers tes qualités. Si je donne l'exemple de mon fils Zacharie, à travers ta détermination, pas ton entêtement. L'Esprit va t'amener à la détermination. À travers ta vitalité, ta force, Pas ton agacement, parce que Nathanaël, mon plus vieux, peut être agaçant. Quand quelqu'un qui kick partout, qui joue partout, qui kick, il a déjà pété des lumières en bas en jouant. Il fallait qu'il joue au soccer, il y avait un ballon. Il fallait qu'il joue au soccer. Un ballon. Mais par ta vitalité, par ton activité, par tes détails, il me demande toujours, c'est qui prêche? Qui va prier pour nous? Tout le dimanche matin, c'est qui prêche? OK, c'est toi, papa, qui prêche. OK, ceux qui prient pour celui qui prêche. Qui va prier pour nous? Quand est-ce qu'on prie pour nous, puis qui prie pour nous? Il est tout là dans ses détails. Il pense à toutes ces choses-là. Il est dans toutes ces affaires-là. Mais Dieu va se servir de lui à travers ce qu'il est. Il va marcher dans ses bottines. Il va s'incarner sur cette terre à travers toute sa personnalité, à travers tout ce qu'il est. Que tu sois vieux, jeune ou âgé, il veut le faire. Il y a un manteau qui est là pour toi. Un manteau qui va te faire juste à toi. Jean 7, verset 37b à 38 dans la Louis II. Ça, c'est l'évangile de Jean dans le Nouveau Testament. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit les Écritures. Comme dit les Écritures, c'est un passage, je l'aime tellement. C'est tellement vrai. Tu viens à Jésus, non seulement tu es rassasié, mais tu deviens quelqu'un qui rassasie les autres. Moi, je vis pour voir des sources prendre vie dans la vie des gens. Je suis un sourcier. Je suis un sourcier dans le monde spirituel. Je cherche, je vois les gens. Je dis, Seigneur, OK, on creuse ici, on creuse, on travaille, on déclare les choses de Dieu, jusqu'à ce que, bouh, les fleuves d'eau vive coulent de leur sein. Et que la personne qui était déshydratée devienne quelqu'un qui abreuve les gens autour d'eux. Dans les dons spirituels, il y a les dons. Je vais rentrer dans la liste. Je vais finir rapidement. Je vais rentrer dans les listes. C'est là que je vais vous lancer les listes. Et c'est là que je prie que l'Esprit de Dieu parle à vos cœurs. Dis, oh. Close to home, près de la maison. Oh, c'est ça. Hein, ça peut être ça aussi, les dons de l'esprit. Il y a des personnes dons. Des dons de personnes. Vous ne saviez pas ce matin, mais... Cadeau! Chaque fois que je viens ici, chaque fois que je mets mon pied ici, chaque fois que je viens... Ceux qui ne le savent pas, on le dit, là. Moi, je suis là. Je suis naturellement évangéliste. Je bénis Dieu que comment Dieu fait les choses. On ne s'est pas assis le collège pastoral pour se dire, bon, qui c'est qui va être ci? Qui c'est qui va être ça? Qui va prendre ci? On a été comme étant nous-mêmes. On a pasteur incroyable dans la personne de Louis. Pierre qui est apôtre vraiment naturel. Très naturel. Moi qui gotta be what I gotta be. Hein, je suis évangéliste. Marie qui agit du côté prophétique, qui a vraiment un aspect prophétique dans sa vie. Et Guillaume, qui est un excellent enseignant. Hey, vous avez les cadeaux all dress. Église, comme c'est pour ça que les gens sont jaloux. On est des dons. Je suis peut-être pas toujours un cadeau comme Marie pour mon épouse, mais je suis un cadeau pour vous. Je suis un don. On se donne. C'est pour ça que oui, vous devez nous honorer parce qu'on est en dessous de vous. On est le tapis welcome. On est le tapis welcome de cette église, nous. On bâtit, on vous élève. Comment on peut élever quelqu'un par-dessus? On vous écrase pas, on vous élève. On est un don spirituel. Une personne don. Comment tu sais que tu es une personne don? C'est parce que tu es obsédé par l'édification des autres, parce que les autres soient bâtis, parce qu'il n'y a rien qui t'excite plus que voir les gens avancer, que voir l'Église avancer. Tu es une personne don. Tu as un ministère, tu as un appel. Sais-tu quoi? Les autres vont le voir dans ta vie avant que toi-même tu t'en rendes compte. Puis dans notre monde, souvent, les gens vont t'appeler pasteur, ils vont t'appeler curé, mais la Bible il est décrit de façon un petit peu plus spécifique. Commencez-moi pas à m'appeler évangéliste, vous pouvez m'appeler Carl, vous pouvez m'appeler pasteur, je sais qu'est-ce que Dieu a déposé dans ma vie. Mais des fois, je ne le savais pas, puis Dieu l'avait communiqué à d'autres. Parce que ce que je faisais, j'étais un cadeau pour eux, fait qu'ils m'appelaient pasteur. Je les édifiais. C'est quelque chose. Alors, vous avez des dons, personne. Et on est béni à l'église communautaire Mountain View. On est beaucoup de dons, personne. Et vous savez, quand je suis ici, l'Esprit de Dieu fait que je me donne pour vous. Et quand je m'assois puis que c'est Pierre qui prêche, mais c'est moi qui reçois. Ou quand c'est Guillaume, ou quand c'est Marie, ou quand c'est Louis, c'est nous autres qui recevons. Puis on donne, puis on reçoit, puis on s'édifie, on se bâtit. Et des fois, il y a des résultats qui sont immédiats. Puis des fois, il y a des résultats qui prennent plus de temps, qui demandent une édification plus profonde parce qu'on arrive de différents niveaux, on est à différents niveaux. Mais les dons de Dieu, c'est un don, c'est un cadeau. Ça va pour les autres. Il y a des dons de parole. Marie nous a parlé ce matin des dons de parole. Parole de sagesse, parole de connaissance. Parole d'enseignement, parole d'exhortation. Dieu peut te donner d'expliquer des choses, puis tu comprends. T'es béni toi-même. Tu découvres des choses que ça sort de ta bouche. T'amènes des choses. Et tu exhortes, tu encourages. Il y a des paroles d'encouragement, d'exhortation. Tu arrives, puis c'est surnaturel. Ça fait du bien. La personne arrive découragée, elle repart relevée. Dieu veut qu'on donne comme ça. Il veut déverser son don selon ta personnalité, selon ce que tu es. Et savez quoi? Des fois, tu exerces des dons de parole, tu sais même pas que tu exerces des dons de parole. C'est juste naturel. Il me semble que c'est ça qu'il faut que je fasse. C'est ça qu'il faut que je dise. Et c'est dans l'œil de celui qui reçoit que ça devient une parole de sagesse, que ça devient une parole qui une sagesse, quelque chose qui m'éclaire, qui me permet de démêler ma vie. Une parole de connaissance, quelque chose qui révèle des choses que je ne savais pas. Une parole qui enseigne, qui me bâtit. Une parole qui m'exhorte, qui me relève. Des dons. Quand on est prêt à être béni, à recevoir le Saint-Esprit, on va dire, moi, je vais être un don, je vais être un cadeau. Je vais être un cadeau de peu importe la façon que tu veux que je sois. Et on parle et ça bénit. Des dons de parole, des dons miraculeux, des dons de guérison, des dons de miracle, des dons de prophétie. Quand on parle des dons de langue, il peut arriver qu'on est dans l'assemblée et qu'on se sente guidé, conduit par Dieu à parler une langue, on ne comprend pas la langue qu'on parle. Et là, il y a quelqu'un du Tchadjikistan qui vient ce dimanche matin-là et on parle son dialecte ou qui vient d'Afrique. Et en Afrique, il y en a des dialectes. Il y en a des langues. Là, il t'écoute, tu es en train de louer Dieu dans sa langue que tu ne connais pas, que tu ne comprends pas, surnaturel. Ou que quelqu'un élève la voix. On peut élever la voix, on parle des glossolalies, des langues spirituelles, et on déclare quelque chose, on ne comprend pas, mais il y a quelqu'un qui a une interprétation claire et précise, il donne les mots, boum, boum, boum, boum, boum, boum. Surnaturel. Prophétie, des choses, des déclarations qui viennent de la part de Dieu. Miracle, guérison. Souvent, on limite les dons à ça. Les dons sont les ministères, les dons sont des paroles qu'on déclare, mais il y a aussi un aspect vraiment, vraiment surnaturel. Et je vous ai donné l'exemple avec Normand. Je ne savais même pas que le surnaturel prenait place. J'avais oublié. Tu pries pour une guérison, tu l'oublies. Une semaine, un mois plus tard, la personne t'appelle. On avait prié pour une fille comme ça. Une jeune femme comme ça avait un problème. Elle allait perdre son bébé. On prie. On dit, Seigneur, agis. Des fois, ta foi n'est pas sur ça. Tu dis, là, je veux être un don. Je veux que les choses se passent dans la vie de cette personne-là. Savez-vous quoi? Dieu agit. Dieu agit, puis des fois, on l'avait oublié. Ou Dieu, on l'apprend une semaine, on est nous-mêmes surpris de la grandeur de ce que Dieu fait. Des dons miraculeux, des dons de service. Service et spirituel. Passer la mop, c'est spirituel. Aider, c'est spirituel. Servir, diaconat, servir. C'est spirituel. Et on voit souvent les gens les plus spirituels sont prêts. Quand cet Esprit de Dieu est à l'œuvre à l'intérieur de toi, Jésus est venu servir l'humanité. Il a quitté son trône dans le ciel. Il s'est abaissé à notre condition. Il a lavé les pieds de ses disciples. C'est pas une habitude qu'on peut faire ici avec nos grosses bottes puis nos bas de laine qui sentent la transpiration. C'est pas ça à quoi Dieu nous appelle. Mais c'est un symbole. Ça nous symbolise quelque chose. Le service. Il y a des services qui sont surnaturels. Moi, je veux voir du service surnaturel. Parce que savez-vous quoi? Quand il y a un service surnaturel qui se fait, tu bénis les gens. Ça fait du bien. Ça sent bon. On dirait qu'il y a quelque chose qui se rajoute dans ta mop de bonne odeur. L'atmosphère change. C'est pas juste propre. Il y a une odeur spirituelle, une odeur de ça. Ça sent Jésus. Ça sent Jésus. Secourir des gens qui sont là, puis c'est plus fort qu'eux. C'est un Superman pour Jésus. Je viens au secours de la veuve et de l'orphelin. Tout ce que je peux faire pour t'aider, ça vient, c'est surnaturel. Libéralité. Libéralité au début de l'Église. Il y a des gens qui vendaient tout, puis ils mettaient ça au pied. Pensez pas, c'est pas une règle, c'est pas un principe. C'était vraiment personnel. Il y a des gens que Dieu avait préparés d'éternité pour ce don-là surnaturel de libéralité. Cette capacité de donner, puis t'es heureux, puis tu t'en fous. Tu donnes de façon extravagante. Puis des fois, Dieu te multiplie tes ressources, mais t'as cette libéralité-là, ça te travaille pas. Ça forcez pas ces choses-là. Mais chacun d'entre nous, je sais que Dieu va amener des gens qui ont ces dons de libéralité parce qu'on a besoin de ressources dans l'Église. Dieu va amener ces gens qui, il va amener ces cadeaux-là qui sont leurs propres personnes. Dieu va amener des gens qui prient, puis Dieu guérit. Il y a des choses qui se passent. Dieu va amener tous ces dons-là, et tous ensemble, ça va être extraordinaire. Ça va être l'Esprit de Dieu à l'œuvre. La miséricorde. Essayez pas la miséricorde naturelle. La miséricorde, la grâce, c'est quand tu reçois quelque chose que tu mérites pas. La miséricorde, c'est quand tu reçois pas ce que tu mérites. Quand des gens sont capables de pardonner, même les pardonnables. On force pas ça, c'est un don. Ça vient du ciel, c'est surnaturel. Mais quand ça prend place, je sais pas si vous vous rappelez. Ah, j'avais pas cette photo-là, j'aurais dû le mettre. Ça me revient en tête. Il y a eu une fusillade à un moment donné. Chez les Ménonites. Les Ménonites qui sont des chrétiens, qui sont des anabaptistes, qui sont des évangéliques, pacifiques, évangéliques, mais qui ont un mode de vie très traditionnel. Eux, ils refusent la technologie. Ils se promènent parfois à cheval. Ils vivent dans des communautés un peu à part. Il y avait une fusillade, un jeune homme qui était rentré dans une école et qui avait tué des jeunes filles. Et cette communauté-là a fait preuve de miséricorde envers la famille parce que le jeune homme a été abattu. Ils sont allés à son service. Ça-là, essaye pas de façon naturelle. C'est comme essayer de faire rentrer une étoile, tu sais, les petits jeux pour enfants. Une étoile dans un truc carré. Ou un cercle dans un rectangle. Tu cognes. Tu vas briser ton bloc, puis tu vas briser ton jeu. Ça marche pas. Mais quand Dieu donne ce don-là spirituel de miséricorde, tu vois ce qu'ils font, tu sens l'Esprit de Dieu sur la vidéo. T'es touché. Ça parle de la miséricorde de Dieu. Ça parle de comment Dieu... Ça, c'est surnaturel. Ça, c'est un don spirituel. Les dons ne peuvent pas être contenus. Ils ne peuvent juste être éteints. Voici ce que Paul a dit à Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Pas de norme. Des fois, on le reçoit par imposition des mains. Des fois, tu le reçois dans ta maison en priant. Des fois, tu attends comme dans une chambre haute et Dieu envoie le Saint-Esprit. Des fois, c'est dans une conférence. Des fois, tu es tout seul. Des fois, c'est un ami qui te parle, qui déclare quelque chose et tu reçois quelque chose de la part de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Il n'y a pas de règle. C'est fait sur mesure pour toi, selon ta personnalité, selon ta vie, selon ton background. Mais si tu t'attends à Dieu, Dieu va déverser son Saint-Esprit d'une façon surnaturelle. Les chutes Niagara, c'est comme un fleuve d'eau qui bouge, ça c'est à l'œuvre. On dit que ça, depuis leur existence, elles ont reculé de 11 kilomètres, les chutes Niagara. Par année, c'est entre 1,5 à 3 mètres. Là, maintenant, ils ont mis des barrages pour un peu ralentir ça parce qu'ils se disent, on veut pas perdre notre site touristique. Mais c'est une puissance à l'œuvre. Le don de Dieu dans ta vie, ça va sortir. Si tu ne le fais pas sortir, ça va s'éteindre. Mais si tu le laisses sortir, c'est comme des fleuves d'eau vive. Ça touche le monde autour de toi. Ça a une force instoppable. L'eau, ça rentre dans les craques de l'asphalte. Ça gèle, ça fait casser l'asphalte, ça fait casser le béton. Ça creuse des trous, ça fait avancer, ça fait reculer 11 kilomètres. Ça peut user une montagne ce qu'aucun homme ne pourrait faire. La puissance de Dieu peut changer les vies, peut changer notre ville, peut changer notre pays, peut changer nos familles, peut changer nos enfants, peut nous changer nous-mêmes. Si on laisse Dieu être à l'œuvre à travers nous. Une grâce. Une grâce. Alors, c'est les dons que Dieu veut déverser dans vos vies. Et ce soir, parce que j'ai vraiment pas le temps de le faire ce matin, j'ai déjà dépassé mon temps, mais c'est ce qu'on va faire. On va s'asseoir, on va se lever, on va s'attendre. On va demander Dieu. On va aller à la salle d'essayage, puis on va dire Dieu, je veux le manteau qui est fait pour moi. Et il y avait un manteau. Il l'a passé à Élisée parce qu'Élisée a continué. Il avait les mêmes mesures. Mais il y a un manteau pour toi. S'il y avait un manteau, il y a un manteau pour toi. David avait son manteau aussi. Il n'a pas pris dans l'Ancien Testament. À un moment donné, on a voulu qu'il porte le manteau de l'armure de Saül. Ça ne lui faisait pas. Ce n'était pas fait sur mesure pour lui. Il y a quelque chose qui est fait sur mesure pour toi. Et je crois que l'Esprit de Dieu parle à ton cœur maintenant. Il dit, oh, oui, c'est vrai. Des choses que tu rêves, des choses que tu aspires. Dit, tu vas le mettre. Puis Dieu va se servir de toi. Il y a tellement de façons que Dieu peut se servir. Je voulais juste donner un éventail. C'est pas un éventail. La Bible dit pas, ne nous limite pas ce que l'Esprit de Dieu peut faire. Tant que ça va à l'objectif d'aller vers les autres, de communiquer ce qui est Jésus, tant que ça édifie les gens, Dieu peut agir de façon surnaturelle avec la danse. Dieu peut agir de façon surnaturelle avec la louange. C'est des dons spirituels qui peuvent être à l'œuvre. On en décrit quelques-uns, mais moi, je ne crois pas que c'est exhaustif. C'est pas normatif, c'est personnel, c'est pas exotif. C'est spécifique à chacun d'entre nous. Est-ce que je peux prier pour vous et vous inviter ce soir? On va prendre un temps. Il n'y a pas un programme très, très chargé. On va s'attendre, on va aller spirituellement dans les salles d'asseyage de Dieu. On va dire, Seigneur, je veux mettre ce manteau-là, ce que tu as en réserve, ce don-là que tu as en réserve pour moi. Je veux marcher dans ces choses-là. Je veux que ton royaume avance. Amen. Je vais prier pour vous. Merci, Seigneur Dieu, pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur. Seigneur Dieu, moi-même, je suis surpris du don que tu déposes dans ma vie. Je ne comprends pas ce qui sort de moi. Mais c'est pour cette assemblée, Seigneur, je prie que ce qui a été donné par la puissance de ton Saint-Esprit fasse une œuvre pour édifier mes frères et mes sœurs, pour les amener à aller de l'avant, Seigneur Dieu, pour les faire entrer dans cette vision que tu as pour nous d'aller de partout le monde et d'être des témoins, de communiquer ton évangile, cette bonne nouvelle qui a changé nos vies. Seigneur Jésus, merci de ces manteaux, ces robes, ces vêtements, ces dons spirituels personnalisés que tu as pour chacun d'entre nous. Et je veux te remercier à l'avance de ces merveilleux échanges de cadeaux que nous allons avoir entre nous et avec le monde qui nous entoure, dans cette ville, dans cette région. Merci Seigneur Dieu de toutes ces ressources spirituelles que tu vas déposer à travers nous et qui vont parler de qui tu es, Jésus, par ce que nous sommes, par notre service, par nos paroles, par notre générosité, par les signes et les prodiges, les dons, les miracles, les guérisons qui prendront place au milieu de nous, par comment tu vas te servir de chacun d'entre nous d'une façon spécifique et personnelle. Merci à l'avance pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Et que vraiment, toute gloire, toute louange et tout honneur te reviennent à toi et à toi seul. Je scelle ces choses au nom de Jésus. Et je te remercie pour le fruit qui prendra place, pour les dons qui vont être déversés, pour les habiletés que tu vas faire naître dans cette assemblée. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Soyez bénis.